culture fragile, facile, un calligraphe mal habile conte l'histoire de la pluie, des nuages et de la nuit. Des montagnes et des vallées, des villages égarés, 7000 îles en beauté faites de jungles inexplorées. Rêvant d'aventures, d'histoire, il veut voir et savoir parcourir la planète, des images plein la tête. Un peu de sable ou de marée sur cette plage comme au bout du monde, il profite de chaque seconde. Il imagine l'Argentine, la mer de Chine, les Philippines, voudrait voguer dans l'espace puis parcourir les mers de glace. Dévalant les pistes, les routes, frayant chemin coûte que coûte, faisant mentir les oracles à travers barrières et obstacles. Rêvant d'aventures, d'histoires, il veut voir et savoir faire résonner dans sa tête les mélodies de la planète. Un peu de sable ou de marée sur cette plage comme au bout du monde, il profite de chaque seconde, l'âme à jamais vagabonde. L'âme à jamais vagabonde. L'âme à jamais vagabonde. L'âme à jamais vagabonde.